mais mon âme se débrouille. On aime de la cramouille, la plus on est des boys. Peignez à tous les doigts parce que mais mon âme se débrouille. La vieille chante sur la fouille. Les couilles dérouillent, mal de crépouille. Dans ta cramouille, c'est beau. Pourtant, tu sais bien que moi, j'ai jamais dû ne te mettre.